Surtout, moi le dire, ça, je l'assume, mais on ferme la parenthèse, je ne vais pas faire de débat. Parmi celles qui laissent le moins de chance sur la route, c'est les femmes. Les femmes, aucune courtoisie au volant. Dans une file, tu veux sortir d'un stationnement où tu as besoin de te rentrer quelque part à partir d'une bretelle d'autoroute. Les femmes ne laissent jamais de chance. Mais je pense que là-dessus, tu as raison. Hein, mon Dieu. Non, je pense que là-dessus, tu as raison. Merci. Merci. Ça me fait quoi? Moi, je suis du sel. Là, vous allez vraiment rire de moi, OK? C'est mon côté ésotérique. Je t'ai mu. Mais moi, j'en laisse toujours passer un, parce que je me dis, tu le reçois après. J'en laisse passer un, fait quand j'ai besoin toi, de... Toi, t'es donné au suivant. Ouais, toi. C'est ça. T'es la Chantal Lacroix de la route. Fait que je check ça, puis non seulement ça. En plus, chaque fois, moi, que quelqu'un me laisse une chance, j'ai envoyé la main, merci. Moi aussi. Tout le temps. Puis ceux qui me font être habitués, des fois, je peux pas, j'en envoie ça en main pour moi. Là, elle envoie la main. Mais elle remarque, ah, ben, on l'a laissé passer puis il nous remercie pas, franchement, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de civisme en général. Fait qu'en ville, compte tenu du manque de civisme en général, le monde qui se met 3 kilomètres d'avance à la voie de gauche pour tourner, je vais leur pardonner un peu, mais sur l'autoroute, il n'y a aucune raison. Je vais lire le courriel parce que ça, vous allez vous reconnaître là-dedans. Ce qui est fascinant, c'est l'auto qui roule à gauche, genre à 100 km/h. Puis lorsqu'elle se déplace à droite pour nous laisser passer, elle accélère. Ah non, ça, ça arrive aussi très souvent. Oui, je sais. Et ça, ça arrive souvent depuis l'arrivée du téléphone cellulaire. Parce que, sans s'en rendre compte, quand tu parles au téléphone, tu vas soit accélérer, soit ralentir. Tu vas changer. Si t'es pas sur le cruise, là, parce que le téléphone va t'amener à penser ou etc., je sais pas. Et souvent, tu vas suivre quelqu'un, puis là, tu vas le dépasser pendant qu'il est au téléphone cellulaire. Des fois, je check, ce gars, il parle. Là, je le dépasse. Bon, mais 2 kilomètres après, il va me redépasser. On est honnête dans nos discussions, là, homme femme. Ouais. Je pense qu'il y a l'orgueil masculin aussi. Quand le gars, il se rend compte que c'est une femme qui le dépasse, oh, ouais! Fait que là, il accélère, puis là, il te redépasse, puis après, il ralentit, il faut qu'il le redépasse. Ah, l'homme a de la difficulté, je pense, à se faire dépasser. J'ai jamais fait ça. Moi, je donne un coup de roue, je l'envoie dans le fossé. Mais le reste, voir. Non, mais il y a un petit côté orgueil. Pas mon temps que ça. Un petit côté je fais des farces, je sais pas. Danny, salut. Allô? Allô? Raccrocher. Oh, okay. Oh, on raccroche, Danny. Marc, salut. Allô? Oui, mais ça va, Marc? Ça va très bien. Hey, moi, je suis en train de, j'écoutais l'appeler par son nom, là, par son prénom, pour être poli, là. Mais ça, ces femmes-là, là, ça regarde dans le miroir. C'est en avant que ça se passe. Puis quand tu épouses dans le derrière, ils vont même aller jusqu'à te briquer d'en face. Ça devrait être interdit. Ça cause des accidents. C'est incroyable. C'est dans le chaudron que ça va. Elle l'a dit. Elle l'a dit en plus, Nadia. Elle se chaîne même pas. Elle dit, moi, je fais ça. Si tu t'es en arrière de moi et tu veux me dépasser, je reste à gauche puis je te bloque. C'est dangereux, ça. Ah oui, c'est dangereux, c'est une voie de dépassement. Puis elle, là, elle regarde en arrière et elle roche sur toi bien raide, là. Ça, c'est dangereux, outez-vous de là. C'est une voie de dépassement. Quand t'as fini de dépasser, tu retournes à droite, c'est terminé. Merci. Arrête de regarder en avant. Le miroir est petit, puis la vitre en avant est grande. Alors, c'est en avant que tu regardes. Moi, là, merci, merci beaucoup, Marc. Il faudrait vraiment inventer de quoi, là? Il n'y a pas des phares aveuglants qu'on pourrait leur envoyer de quoi, non, là? Non, arrête de vouloir miroir, inventer. Ça. Je vais inventer de quoi faut, pour que les... Faut les inscrire sur Réseau Contact, que tu fasses un chum qui soit heureux à maison. Non, parce que c'est purement la mentalité, là. Je suis d'accord avec toi que c'est de la frustration qui s'exprime au volant. On est tellement moutons, les Québécois, puis on courbe le dos tout le temps dans la vie, là. On dirait que quand on est derrière le volant, on veut se venger de toutes les injustices. Ça, des fois, je me dis, là je vais loin. Et je m'excuse, Nadia, là, je sais pas votre vie personnelle, là. Mais ça, mettons qu'au travail, ça va mal, là, tu sors du bureau, tu es en maudit. Ah, oh, ouais, ben, toi, tu vas attendre en arrière. J'ai enduré ça toute la journée, moi, ben, toi, tu vas attendre, moi, tu sais. Moi, je suis prêt à prendre une gageure. Bon, peut-être la perdre, là. Nadia, écoute-moi. Je gage 50$. C'est-tu beaucoup, 50? Ben, ça dépend de ta gageure. 50 qu'elle est pas bosse. C'est pas elle qui mène dans la vie. Qu'elle est une... Puis, hey, je respecte ça, je suis pas bosse non plus. Je me fais mener, ça, de des bosses, moi, là, tu sais. Mm. Regarde. Dans le sens où, quand elle est derrière son volant, là, c'est elle la bosse. Puis le gars en arrière qui veut la dépasser. Pouah! Laisse en arrière, même si t'es sans voix de gauche, c'est moi qui mène. Mm. 50$. Pour en mettre plus. 100$! 100$! J'y donne 100$. Si elle m'appelle, ben, c'est moi qui est la boss dans ma business, c'est moi qui run, c'est moi qui est etc. Autonome. Non. Je suis sûr qu'au bureau, là, c'est ça. On finit avec Linda. Salut, Linda! Salut, Bonjour Sylvain, bonjour José. Bonjour. Je vous écoute. Bon, en passant, Nadia, moi, faudra pas qu'elle soit en avant de moi, là, parce que, oh, que je pèterais ma coche, moi aussi. On voit que c'est une petite frustrée, mais c'est une petite parenthèse que je referme tout de suite. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué sur l'autoroute, mais disons que t'es dans une entrée, tu veux t'engager sur l'autoroute, ou t'es sur la voie droite et tu veux te passer à gauche. J'ai appris ici qu'avec les Québécois, tu ne signales pas pour leur dire que tu veux entrer ou que tu veux te tasser. Parce que même si tu avais l'espace pour 3 autos pour entrer, à partir du moment où tu leur indiques, regarde mon ami, je me tasse, ils accélèrent pour oui, te laisser ça passer. Ça arrive souvent, ça. Oui, je ça, sais. Là, c'est incroyable. Ils ont de l'espace, ils roulent pas vite. Mais là, ils viennent de voir que tu veux entrer. Ben là, ils accélèrent. Alors, tu sais, on voit là, qu'il y a pas mal de frustration ici. Mm. Pour les Québécois, j'ai aimé le Québécois. Québécois, merci. Québécois à gauche. Québécois. Non, ouais. mais c'est une de mes théories, là. Quand on dit les Québécois conduisent plus mal, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun doute, mais je pense que c'est dû à notre situation. On a tellement de frustration au Québec, on n'est pas en mesure de s'exprimer, on est des sans-voix.